faire cet enfant? C'est la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose? C'est une maladie des sangs transmise par les deux parents. Ok, mais pourquoi on l'amène pas à l'hôpital? La drépanocytose, c'est un vrai fléau. Leur vie est partagée entre l'hôpital et la maison. Les parents sont incapables de soulager leur misère. Alors elle va mourir. Non, c'est Dieu qui guérit toutes les maladies incurables. C'est Dieu qui apporte toutes nos souffrances à la croix de Golgotha. Le Dieu Rapha les guérira. Cette chanson, je la dédie à tous les enfants sans voix. Et plein les enfants. À tous les orphelins sans parole. Toi qui ne manques de rien. Toi qui es aimé. Toi qui reçois des câlins. Toute la journée. Sais-tu que pour tous les enfants, il en est pas ainsi. Sais-tu qu'il n'est pas gay? Tu le pleurs des enfants qui ont faim. Pleure des enfants. Entends-tu le pleur des enfants sans abri? Pleure des enfants. Entends-tu le pleur des enfants maladifs? Pleure des enfants. Entends-tu leurs pleurs? Entends-tu leurs cris? Pleure des enfants. Y a des lieux où la prostitution n'est pas seule. Mes petites filles, petits garçons sont utilisés impunement. Entends-tu les pleurs des enfants abusés? Pleurs des enfants. Entends-tu les pleurs des enfants violentés? Pleurs des enfants. Entends-tu les pleurs des enfants exploités? Entends-tu? Entends-tu leurs pleurs? Entends-tu leurs cris? Oh, entends-tu leurs cris? Ce que nous avons fait de ces âmes si fragiles que Dieu nous a confiées, et devant les trônes du jugement, là où l'on ne pourra plus rien cacher. Un jour, vous serez bien obligé de rendre des comptes de ce que vous faites de ces enfants. Regarde ces enfants avec les armes. Regarde ces enfants qui pleurent à cause de la famine. Regarde ces enfants qui souffrent parce que papa et maman ne sont plus là. Ces enfants qui sont appelés aujourd'hui sorciers parce que papa et maman ne sont plus ensemble. Regarde ces enfants qui sont maltraités, abusés. Ces enfants qui sont sacrifiés à cause de vos intérêts personnels.